Épisode 10. Lundi, la sociopathe sort de son lit. Hasta dente. Hasta dente. Hasta dente. Hasta dente. Hasta dente. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les pâtes. Déjà toute petite. Je me rappelle, je devais avoir 4 ans, et je regardais maman faire cuire des tagliatelles. Les pâtes étaient roulées en boule, façon nid d'oiseau. L'eau frémissait à peine, et lorsque ma mère les a déposées dedans, elles se sont animées, comme des serpents magiques, dessinant sous mes yeux émerveillés des boucles, des arabesques. Et à ce moment-là, j'ai su. C'est en ce jour précis que sa splendeur nouillesque a déposé sa graine dans mon cœur d'enfant. Je ne connaissais pas son nom, mais il était là, en gestation, comme il l'est en chacun de nous. Dès lors, de pesto en lasagne, de gnocchi en macaroni, j'ai creusé ma route dans le monde de la pâte, à la recherche d'une vérité suprême. Je cherchais un nom à mettre sur mon culte. Jusqu'à ce jour magique où j'ai entendu pour la première fois la parole de Bobby Anderson, que son nom soit bouilli à 100 degrés à travers l'éternité. C'était comme s'il me chuchotait à l'oreille ce que j'avais toujours rêvé d'entendre, ce que je savais déjà au fond de moi. La vérité est dans le spaghetti. Hasta dente, hasta dente. Ok, hasta dente. Ok, qu'est-ce qu'on écoute là? Un enregistrement qu'on a trouvé dans l'ordinateur de Nicolas. Il a appelé ça « mémoire d'une sauce aux pâtes ». Mémoire d'une sauce aux pâtes. Mais ça veut rien dire. Bah tu sais, c'est un jeu de mots, quoi. Sauce aux pâtes, sociopathe. Il va être sérieusement temps qu'on mette fin à cette affaire avant que ce soit moi qui commence à tuer des gens. Ouais, enfin, toujours est-il qu'il y en a toute une série, de plus en plus bizarre. Tiens, écoute, un des derniers. Non, alors franchement, je préfère... Arrête. C'est intenable. Et elle continue pendant 25 minutes comme ça. Pourquoi? Tu sais comment elle se présente? Comme Jessica. Et alors? Jessica Bonnard. On la trouve et on l'arrête. Qu'elle ait à voir avec tout ça ou pas, je m'en fous. Je veux pas savoir. On l'arrête. On essaie de la retrouver, mais en attendant... Mais la radio, je t'en supplie. N'importe quoi pour oublier ça. Je le dis et je le répète, nous ne pouvons pas tolérer ce genre d'événement. Ce sont les valeurs de notre pays, nos racines qu'on attaque. La trop grande tolérance de nos dirigeants à l'égard de ce que je ne crains pas d'appeler les nouvelles invasions barbares doit cesser. Nous devons fermer nos frontières et protéger nos sanctuaires. Un pays sans foi est un pays sans avenir. Et comme l'a dit le Seigneur... On m'occupe plus que lui, là. Merde, de la Palice. Mais t'es complètement sorti de la tête. Ah, on s'en prévient quand tu fais un demi-tour comme ça, qu'est-ce qui te prend? De la Palice. Faut aller l'avertir. Et c'est toi qui vas t'en occuper. Moi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je vais retrouver cette sociopathe de malheur. Et m'assurer qu'elle n'enregistre plus rien jusqu'à la fin de ses jours. T'as une idée d'où je peux trouver la leader des Pastafariens? Julie? Oui, j'en sais rien. Comment tu connais son prénom? Ah, pour rien, comme ça, je l'ai retenu, c'est tout. On est quel jour? Lundi, le 16. Ok. Tu peux tenter ta chance à leur lieu de réunion où on était la dernière fois. Ils font une réunion extraordinaire tous les troisièmes lundis du mois. Mais c'est seulement un mois sur deux. Je préfère pas poser de questions. Ok, c'est parti. Ouais, allons-y. Ouais, salut les amis. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Oh putain. Qui est mort encore? Hein? Bah non, personne. Enfin, si. Fredo a été tué. Fredo? Fredo de Pasta Fredo? Oui. Oh mon Dieu. Dieu n'a rien à voir là-dedans, en l'occurrence. À moins qu'il n'ait changé de modus operandi. Et pourquoi vous venez me voir? J'aurais besoin de vos lumières sur un enregistrement. Quel enregistrement? Accrochez-vous. Merci de me recevoir, monsieur de la Palice. Oui, oui. C'est à quel sujet, monsieur? Meziani, lieutenant Karim Meziani. Meziani, c'est de quelle origine, ça? Algérienne. Ah. Donc, monsieur le député, je viens vous voir à propos de l'incident d'hier soir. L'attentat, vous voulez dire? Non, je veux dire... Bon, peu importe. J'ai cru comprendre que vous receviez un certain nombre de lettres de menaces ces derniers jours. Oui, comme tous ceux qui l'ouvrent un peu ces temps-ci. Dès qu'on a le courage de parler des vrais problèmes, on se fait attaquer. Certes. Je ne doute pas que la présence de crèches dans les lieux publics soit un vrai problème. Évidemment, ce genre de choses ne vous parle pas, mon jeune ami. Mais ce n'est pas pour autant que... Vous pouvez m'appeler lieutenant, monsieur le député, et je me fiche de votre programme. Je suis venu apprendre ce que vous savez du pastafarisme. Le quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas là pour plaisanter, moi. J'ai un emploi du temps à tenir. Ça n'a rien d'une plaisanterie. 3 personnes sont mortes. Hein. J'aurais besoin que vous vous souveniez si parmi... Monsieur le député, mais j'ai le père Emelin au téléphone qui voudrait vous... Ah non! Dites-lui que je ne suis pas là, j'ai pas de temps pour les bondieuseries, là. Je le rappellerai plus tard, si j'y pense. Ok, continuez. J'aurais cru qu'un fervent catholique comme vous... Vous auriez cru, c'est formidable de croire, ça se fait beaucoup en ce moment. Mais là, comprenez-moi, j'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à mener. C'est quoi alors votre... machin farisme? Vous allez adorer. J'aime les pâtes, pastafarci, pastafala, pastafarienne, j'aime les pâtes, je suis pasta, pasta, pastapati, pastapala. Oh putain, Jessica Carbonara. Vous la connaissez? Oui. Et vous savez qui c'est? Non. Hein? Mais je croyais que vous la connaissiez. De réputation. Il y avait de nombreuses rumeurs sur les prophéties pastapocryphes de Jessica Carbonara, mais aucune preuve. Jusqu'à aujourd'hui. C'est une découverte fondamentale. Où les avez-vous trouvées? Chez Feu Pastafredo. Il en avait toute une série. Très instructif. Vous devriez vous méfier. Si J.R. est dans le coup, cette affaire est terriblement sérieuse. J.R. Jessica Carbonara. Personne ne sait qui elle est réellement. Mais elle rôde autour des pastafariens. Elle infiltre nos groupes. Enfin, ce n'est jamais elle. Elle a toujours ses pions qu'elle envoie à sa place pour se mêler à nous et propager ses idées délirantes. Ça fait plus d'un an qu'elle sème le chaos parmi nous. Un an? Depuis le schisme des trois fromages. Le schisme des trois fromages? Oui, une sale histoire, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la phrase. Laquelle? J'ai commencé à digérer la parole fondamentale de Sa Majesté Nouyesque. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire être assez con pour prendre à la lettre les recommandations d'un monstre spaghetti volant. Vous êtes en train de me dire que quand j'ai reçu une lettre anonyme disant « Macaroni, macaroni, le député est bientôt cuit », c'était potentiellement sérieux? Bah oui, possiblement. Ah bah putain, elle est bien bonne celle-là. Mais c'est parfait, parfait. Comment ça, parfait? Laissez, vous comprendriez pas. Machin, viens ici. Oui, monsieur. Tu me fais une conférence de presse dès que possible. La cathédrale et moi, c'est lié. Non, c'est pas... Tu expliques qu'après avoir visé un symbole de la foi chrétienne, ils attaquent un de ses défenseurs, Bibi. Qui ça, il? Peu importe, plus t'es flou, mieux ce sera. Oh la gueule que va tirer Castrin! Qui ça? Un con, on s'en fout. Il va venir ramper à mes pieds, lui et ses ouailles. Monsieur de la Palais, je n'ai pas fini. Dans ces lettres, vous n'avez rien remarqué de particulier, de notable, qui pourrait nous aider à en trouver l'auteur? Mais puisque je vous dis que je reçois des tolles, tenez. Celle-là date de ce matin, par exemple. Vous n'auriez jamais dû fermer l'usine de sauce tomate en pot. On ne tarit pas impunément la divine sève nouillesque. Nous veillerons sur ce lieu sacré en préparant votre perte. Ok, monsieur le député, cette usine, elle est où? Vous êtes familier avec les 8 condiments du pastafarisme? À mon corps défendant. Vous savez donc que, grosso modo, il recommande de laisser tout le monde tranquille. Sauf qu'elle, elle dit que le monstre spaghetti a pris la forme d'une lasagne végétarienne pour venir lui parler et transmettre la vérité. Quelle vérité? Non mais en fait, je déconne. Vous déconnez? Non. Ça, c'est la phrase qu'elle a entendue. Si vous écoutez tous ces enregistrements... Oui, non, plutôt mourir. On dit qu'elle y expliquait que la vraie finalité du pastafarisme, c'est le chaos et les macaronis sans fromage. Non, mais c'est absolument délirant, votre truc. Je sais, ces putains d'anti-émental, c'est la plaie. Quoi? Attention! À l'abri! Elle est sur le toit! Astalente! Astalente! Police! Poste flagui, mais qu'est-ce que... mon Dieu. Vous allez bien? Vous êtes couverte. Je fais rien, c'est de... de la bolognaise. J'y crois pas. Elle a rempli des paintballs de bolognaise. Elle est passée où? Ok, je la laisserai pas s'échapper. Pour des raisons de budget, nous n'avons pas pu vous restituer l'intégralité de la course de Matteo. Pour info, il a couru environ 12 minutes 37 secondes, trébuché deux fois, enjambé trois barrières, pris un escalier, puis un autre, puis un poteau et renversé une poubelle, pour l'effet dramatique. Avant d'arriver, frais et fringant, devant une mystérieuse usine désaffectée. Putain, si c'est encore un rêve, j'ai intérêt à me réveiller maintenant. Ok, go. Police, ne bougez pas! Bogis ne poulait pas! Karim, Matteo? Bogis ne poulait pas? Le stress me fait bafouiller. Qu'est-ce que tu fous là? La folopathe. Elle est là! Je sais. De la palisse. De la palisse, t'as quoi? Je t'expliquerai, mais Matteo, ça va? T'es couvert de... Non, allez, c'était de la bolognaise. On y va. Je vous attendais, inspecteur Razzani. Ça tombe bien. Je vous cherchais. Ouais, moi aussi. C'est la fin de la course. Le dessert est servi, Jessica Arbonara. Vous allez passer à la casserole? Putain, Karim, sérieusement?